Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Montréal, au cœur de la recherche nucléaire durant la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais voulaient d'abord que la chose se fasse en Amérique, mais le FBI s'est opposé à ce qu'une équipe étrangère, et très étrangère si j'ose dire, s'installe à côté de l'équipe américaine de Chicago qui poursuivait le même but, mais avec du graphite au lieu d'eau lourde. Et tout naturellement, les Américains ont dit « mais il n'y aura pas de problème si vous êtes au Canada et la collaboration sera facile ». Le chimiste Bertrand Goldschmidt à l'émission Découverte en 1999, c'est donc à Montréal que les Britanniques vont installer leur laboratoire de recherche nucléaire durant la Seconde Guerre mondiale. De 1942 à 1946, une équipe de scientifiques de haut calibre participe à Montréal à des travaux de recherche secrets sur la radioactivité. Ces chercheurs sont en quelque sorte engagés, sans vraiment en être pleinement conscients, dans cette course au développement de la bombe atomique à laquelle on assiste durant la guerre. C'était un laboratoire spécial qui existait dans une confidentialité ou dans un secret assez marqué et qui était destiné à étudier des questions nucléaires. C'était donc un organisme du Canada, mais il y avait beaucoup de personnes venues de Grande-Bretagne. Il y avait un grand nombre d'Anglais. Et c'était à leur intention que le gouvernement du Canada organisait ce laboratoire. Donc c'était une entreprise qui vous semblait assez secrète. Est-ce que ça ne vous a pas fait un peu peur à ce moment-là? Il y avait la guerre. Avez-vous eu l'impression que vous étiez embarqué dans des recherches de caractère plus ou moins militaire? À la vérité, non. Je suis un esprit simple. Je me suis toujours dit que c'était pour obtenir de l'énergie, peut-être, et que c'était pour mieux comprendre le noyau de l'atome, mais je n'ai eu aucune idée jusqu'au fait public de l'explosion, je crois que c'était Hiroshima, la première. Je n'ai eu aucune idée que ce laboratoire était associé à des projets proprement militaires de cette nature. Le physicien nucléaire Pierre Demers, qui a travaillé au laboratoire de Montréal durant la Seconde Guerre mondiale, au micro de Jacques Ouvrard à l'émission Dossier en 1980, pour nous raconter cette histoire méconnue du laboratoire en recherche nucléaire de Montréal durant la Seconde Guerre mondiale, je reçois Gilles Sabourin. Il est ingénieur nucléaire, il a travaillé pendant plus de 20 ans au Bureau montréalais d'énergie atomique du Canada et il vient de publier aux éditions Septentrion le livre « Montréal et la bombe ». Gilles Sabourin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quelle importance il a, ce laboratoire de Montréal, dans cette aventure nucléaire, dans cette course à la bombe atomique également, durant la Seconde Guerre mondiale, M. Sabourin? En fait, ce qu'il faut dire, on connaît beaucoup le projet Manhattan, qui était le projet américain de recherche sur la bombe, mais il y avait un projet qui a précédé celui-là, qui était le projet britannique, s'appelait Tube Alloys, qui était aussi de recherche sur la bombe. Oui. Et le laboratoire de Montréal était le principal laboratoire, là, quand ça a déménagé au Canada, du projet britannique, qui est devenu le projet, une collaboration Canada-Royaume-Uni, de recherche donc nucléaire, avec quand même une partie importante qui était militaire. Et tout ça en marge, si je vous comprends bien, de cet autre projet que développaient les Américains et qui va conduire effectivement aux bombes qui seront utilisées au Japon, le projet Manhattan. C'est ça. Puis, ouais. C'était une compétition et à la fois une collaboration. Là, ça n'a pas été très facile, disons, la collaboration, mais il y a quand même eu une collaboration, principalement entre le laboratoire de Montréal et le laboratoire de Chicago, où a été développé le premier réacteur nucléaire au monde à la fin 1942. Oui. Alors, parlons de la situation. On reviendra à l'existence de ce laboratoire à Montréal, aux chercheurs de pointe qui vont y travailler dans un instant, au travail de recherche qui s'y fera également. Mais un petit mot d'abord, M. Sabourin, pour nous dire où en est la recherche atomique dans le monde en 1942, au moment où, justement, les Britanniques déménagent leur laboratoire à Montréal. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début de la guerre, là, juste avant le début de la guerre, c'est la découverte de la fission nucléaire en 1939. Donc, on comprend que lorsqu'un atome d'uranium absorbe un neutron, il explose et il produit de l'énergie. Et à partir de là, donc là, au début, tout est encore public, mais dès le début de la guerre, les physiciens dans les pays alliés, où il y a beaucoup de laboratoires de recherche, arrêtent de publier parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un potentiel militaire, peut-être pour de l'énergie ou des bombes. Ouais. Et un des endroits principaux, et c'est là finalement vraiment que le laboratoire de Montréal a commencé, c'est en France, c'est à Paris, le laboratoire des Joliot-Curie, où ils sont les premiers, ou dans les premiers laboratoires, à faire des recherches sur la fission. Et utilise un modérateur, c'est un matériel qui est utilisé pour ralentir les neutrons pour qu'ils soient plus facilement absorbés là, par l'uranium. Oui. Et un des principaux modérateurs, c'est l'eau lourde. Et les Français, au début de la guerre, à la fin 39, début 40, mettent la main sur l'ensemble du stock mondial d'eau lourde qui était en Norvège et le rapatrie en France, juste avant l'invasion là, de la Norvège par les Allemands. Et c'est là qu'est le début vraiment, parce qu'ensuite, quand l'Allemagne envahit la France, les Français évacuent l'eau lourde et les principaux collaborateurs là, de Frédéric Joliot, qui étaient Alban et Kowarski. Ils s'enfuient en Angleterre, où ils continuent leurs recherches et font partie, disons, du projet britannique de recherche là, à partir de Cambridge. Oui. Et ce projet, on y revient, là, Tubeloy, ce projet des Britanniques qui commence à Cambridge, les Britanniques décident à un moment donné que ça ne peut plus continuer, l'activité peut plus, de recherche ne peut plus continuer en Angleterre en période de guerre, décident en 1942 de déménager le laboratoire. Pourquoi ce déménagement et pourquoi Montréal, Gilles Sabourin? Bien, la raison principale, c'est que c'est sûr qu'il y avait des problèmes de sécurité, il y avait des bombardements, puis tout ça. Et aussi, il y avait des problèmes d'approvisionnement en ressources. Il faut de l'uranium, il faut de l'eau lourde en grande quantité. Et le Canada est un des principaux producteurs d'uranium déjà à ce moment-là. Donc, au départ, ils veulent déménager aux États-Unis, comme on l'a dit là, précédemment. Oui. Mais les Américains refusent. Et ils se tournent vers le Canada. Et le Canada, donc, accepte de recevoir le laboratoire de Cambridge, là, qui devient le laboratoire de Montréal. Au départ, on pense à Ottawa, mais finalement, Montréal, c'est quand même la ville la plus industrielle du Canada. Il y a déjà une industrie qui supporte l'effort de guerre qui est très importante. Oui. On a deux universités de pointe quand même, et puis McGill est déjà connue là, aussi pour la physique, et donc c'est à Montréal qui est finalement choisi pour le déménagement. Et d'ailleurs, ça va commencer d'abord, mais pas longtemps, à McGill, les activités de ce laboratoire. Puis très rapidement, tout ça sera déménagé à l'Université de Montréal. Qui se retrouve dans ce laboratoire de Montréal? Je l'évoquais, des grands chercheurs, des chercheurs de pointe. Il y aura une filière française, d'ailleurs, au laboratoire de Montréal. On écoute à ce sujet un reportage de Jacques Ouvrard, présenté à l'émission Dossier en 1980. Mais voici d'abord l'extrait d'un reportage de Maxence Bilodeau, présenté au Téléjournal du 6 janvier 2016. 1939, c'est aussi le début de la Seconde Guerre mondiale. Les physiciens nucléaires d'Angleterre et de France doivent quitter l'Europe, parmi eux, Pierre Demers, que l'on voit ici à droite. Mystère, où vont-ils poursuivre leurs travaux? Ils seront plus de 300 à l'Université de Montréal, dans une aile de la Faculté de médecine. Aujourd'hui, il ne reste presque plus trace de ce que l'on a appelé le laboratoire de Montréal. Sinon, une pièce verrouillée où on manipulait à l'époque du matériel radioactif et où on entrepose aujourd'hui de l'équipement désuet. Le 8 janvier 1943, on peut lire en première page du journal Montréal Matin, 60 savants étrangers viennent s'établir à l'Université de Montréal pour poursuivre des recherches extrêmement importantes. Le journaliste parle même de recherches sur la radioactivité et attribue au physicien français Pierre Auger la responsabilité de ses travaux. Ce détail et plusieurs autres sont inexacts. Le professeur Pierre Auger, spécialiste des rayons cosmiques, dirige seulement la section de physique du laboratoire. Laboratoire qui est placé sous la direction d'un autre physicien nucléaire, le français Hans von Alban, d'origine autrichienne. Un troisième français, Bertrand Goldschmidt, a la responsabilité de la section de chimie. Il est assisté d'un autre chimiste français, Jules Guéron. Finalement, ces quatre savants français seront rejoints, un peu plus tard, par Lou Kovarsky, un autre des grands précurseurs côtoyé à Paris, au Collège de France, par Pierre Demers. Si je me rappelle bien, c'était là les cinq Français du laboratoire. Auger, Albal, Kovarsky, Goldschmidt et Guéron. Il y avait aussi des Anglais? Oui, il y avait un grand nombre de Britanniques. Le plus célèbre est sans doute John Cockcroft, l'inventeur du système accélérateur de particules. Alors, qui sont les principaux chercheurs au laboratoire de Montréal, Gilles Sabourin? On en a une petite idée avec l'extrait qu'on vient d'entendre. Et comment se fait le recrutement de ces chercheurs de pointe? Donc, c'est ça, le premier directeur du laboratoire, c'est Hans Albahn, c'était un homme d'origine autrichienne qui a travaillé au Collège de France là, avec Frédéric Joliot et qui a eu la nationalité française justement en 1939 et il se considère comme français. Et c'est lui qui est nommé directeur et donc il est en charge du recrutement. La première personne qu'il recrute, c'est un physicien tchèque qui s'appelle Georg Plaček, qui lui est nommé en charge de la physique théorique pour le laboratoire. Et il recrute principalement aux États-Unis des gens qui ont fui, donc beaucoup de réfugiés en fait vont travailler au laboratoire de Montréal. Et des gens qui n'ont pas été recrutés par le projet Manhattan parce que les Américains sont quand même... craignent qu'il y ait trop d'étrangers qui travaillent dans leur propre projet. Ils vont, entre autres, trouver Bruno Pontecorvo, qui est un physicien italien, qui avait travaillé avec Enrico Fermi, là, un des plus grands physiciens du 20e siècle, qui avait fait des découvertes fondamentales sur l'atome aussi dans les années 30. Il y a un physicien canadien qui est assez connu à l'époque, qui s'appelle George Lawrence. Il travaille au Conseil national de la recherche là, à Ottawa. Il est une des premières personnes à faire ce qu'on appelle une pile sous critique, donc un assemblage d'uranium et de graphite à Ottawa. Oui. Mais il manque de matériaux, ils ne sont pas aussi assez purs, son graphite pour que ça fonctionne. Mais il est engagé par le laboratoire de Montréal et c'est lui qui va recruter les employés canadiens. Donc, il recrute plusieurs personnes qui ensuite vont avoir des carrières importantes, beaucoup de jeunes. En fait, il y a beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge est autour de 28 ans là, des gens qui travaillent au laboratoire de Montréal. Mais dans ce lot de jeunes chercheurs, on le comprend bien, de grosses pointures. Là. Il y a de la recherche, oui. Il y a des chercheurs de pointe qui sont à Montréal. Quel objectif poursuit plus spécifiquement le laboratoire de Montréal, Gilles Sabourin? Donc, en fait, on donne deux grands objectifs au laboratoire de Montréal. Le premier, qui est vraiment un objectif militaire, c'est séparer le plutonium de la gangue d'uranium où il est produit. Il y a deux façons de construire là, des bombes atomiques. Il y a une bombe à l'uranium et une bombe au plutonium. Le plutonium, d'une certaine façon, c'est un peu plus simple parce que c'est un élément chimique différent de l'uranium et donc plus facile à séparer de l'uranium. Puis, les Britanniques décident d'aller vers ça. Mm-hmm. Et donc, à Montréal, Bertrand Goldschmidt, qu'on a entendu, est responsable de ça, de séparer le plutonium de l'uranium. L'autre grand objectif, c'est de construire un réacteur nucléaire, à la fois pour produire du plutonium et de l'énergie. Le début des activités, cela dit, de ce laboratoire de Montréal est plutôt lent. La collaboration, entre autres, avec les Américains, ça passe plus ou moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Bien, les Américains, donc, comme je l'ai dit, se méfient des étrangers. Entre autres, en réalité, se méfient beaucoup des Français. Ils ont peur que les Français, après la guerre, développent leur propre bombe. Bon, ce qu'ils vont faire, mais beaucoup plus tard. Et le général Groves, qui est un militaire qui est en charge du projet Manhattan avec le physicien Robert Oppenheimer, refuse la collaboration avec le laboratoire de Montréal. Et aussi bloque les ressources. Bon, ce qui est paradoxal, c'est que le Canada a beaucoup d'uranium, mais au début de la guerre, les Américains signe une entente d'exclusivité et tout l'uranium canadien est exporté aux États-Unis pendant la guerre. Le laboratoire de Montréal doit finalement supplier les Américains pour avoir les ressources qui viennent du Canada. Et ensuite de ça, finalement, il doit y avoir des discussions au plus haut niveau là, entre Churchill et Roosevelt. Il y a une entente secrète qui est signée à Québec lors de la conférence de Québec là, du mois d'août 1943 pour une collaboration entre les deux projets. Mais il y a toujours la question du directeur. Là, les Américains n'aiment pas que ce soit un Français d'origine autrichienne et ça va débloquer seulement quand finalement les Anglais et les Canadiens nomment John Cockcroft, qui est un physicien là, britannique connu, qui va obtenir d'ailleurs le prix Nobel de physique là, après la guerre, et qui devient le deuxième directeur du laboratoire de Montréal. Oui. Et à partir de ce moment-là, donc, il y a comme un déblocage qui va conduire à quoi? Quelles sont les principales découvertes qui seront faites dans ce laboratoire de Montréal, Gilles Sabourin? Une des premières décisions de Cockcroft, là, qui est très importante, c'est qu'il décide de construire premièrement un petit réacteur nucléaire. Au cours de l'année 1943, on avait commencé la conception d'un grand réacteur nucléaire qui aurait été un des plus gros au monde à l'époque, mais il y avait beaucoup de données qui manquaient. Donc, Cockcroft décide de faire premièrement un petit réacteur qui est puissance zéro, très très faible, 1 watt, imaginez-vous, pour un réacteur nucléaire, et nomme à la tête de ce projet-là Lev Kovarsky, qui était un collaborateur là, de Frédéric Joliot et de Alban à Paris, et qui arrive à Montréal là, au mois d'août 1944, et sous la direction de Kovarsky, en dedans de un an et un mois, on va faire la conception et la construction et la mise en service d'un réacteur nucléaire, qui est le ZEEP, qui va être construit là, à Chalk River, 200 km au nord d'Ottawa. Et ça va être, donc le Canada va devenir le deuxième pays au monde où on a un réacteur nucléaire en opération. Quand même. Et il va aussi mettre sur pied une section sur la santé la sécurité des travailleurs au point de vue radiologique. Engager un oncologue britannique qui s'appelle Joseph Stanley Mitchell, et lui va réfléchir, en étant au laboratoire de Montréal, aux traitements, à des nouveaux traitements sur le cancer, et va écrire, il va identifier le cobalt 60. Oui. Et ça va être produit à Chalk River après la guerre, et ce qui va faire que le Canada va être un leader en fait, en traitement du cancer par radioisotope là, après la guerre et pendant longtemps. Oui. Bon, revenons à cette fameuse course à la bombe atomique dont on parlait au début de l'émission. Dans les faits, quelle importance va avoir le laboratoire de Montréal dans le développement des bombes, ces fameuses bombes qui vont être lancées en 1945 à Hiroshima et Nagasaki? En fait, le laboratoire de Montréal n'aura pas de participation directe. Là. L'uranium va avoir été fourni par ailleurs, le Congo belge, puis disons qu'en gros, même si le laboratoire de Montréal n'avait pas existé, il y aurait quand même eu Hiroshima et Nagasaki. Oui. Donc, un travail qui est important dans le secteur nucléaire, mais qui ne contribuera pas à ces bombes, à la fabrication de ces bombes atomiques qui seront lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Malgré tout cela, c'est la guerre, c'est une période où il y a de l'espionnage, et on sait maintenant qu'il y a des espions soviétiques qui travaillent au laboratoire de Montréal. On écoute à ce propos un extrait du reportage de Pierre Devrode, présenté à l'émission Le Point en 1985. Il y parle d'abord, dans l'extrait qu'on va entendre, d'Igor Guzenko, cet espion soviétique qui travaillait à l'ambassade du RSS à Ottawa et qui a fait défection en décembre 1945. Pendant ce temps, Igor Guzenko vivra caché avec sa famille au camp X, sur les rives du lac Ontario. C'est à cet endroit où, pendant la guerre, Sir William Stephenson, le Canadien responsable des services secrets britanniques en Amérique du Nord, entraînait les espions alliés. Les services secrets britanniques, le FBI et la GRC ont tout leur temps pour interroger Guzenko, traduire les documents et monter des dossiers. Les révélations de Guzenko, leurs détails et leurs précisions sont fascinantes pour l'époque. Le colonel Zabotin, nom de code, Grant, le patron de Guzenko, est rapatrié de Mongolie spécialement pour organiser au Canada un réseau d'espionnage scientifique et atomique. Depuis 1942, le Canada faisait partie du club atomique aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Plusieurs expériences scientifiques se déroulaient dans les laboratoires des universités de Montréal et de Toronto. Le Canada constituait à l'époque une source inestimable d'uranium et d'eau lourde, essentielle à la bombe. À Montréal, le colonel Zabotin recrute le professeur Alan Nunmay, nom de code, Alec, un savant britannique qui travaille occasionnellement pour le Conseil national de recherche. Nunmay remettra même à Zabotin un échantillon d'uranium-233. Ça, c'est assez fascinant, ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qu'on sait à propos de ces activités d'espionnage qui vont être menées pour le compte des Soviétiques au laboratoire de Montréal, Gilles Sabourin? Bien, on sait qu'Alan Nunmay a été condamné pour espionnage et il a plaidé coupable. Donc, pendant son procès, il a avoué, entre autres, cette histoire-là qui est vraiment incroyable, qu'il y a un échantillon d'uranium-233 qui avait été fourni par le laboratoire de Chicago, qui est une matière qui n'existe pas dans la nature et qui a été produit là-bas. Et au lieu de la rapatrier à Montréal, il la donne à son contact et elle est envoyée en URSS par colis diplomatique. Et lui, Alan Nunmay, après le départ de Pierre Auger, était devenu le responsable de la physique expérimentale au laboratoire de Montréal. Et donc, c'est un physicien important en Angleterre. Et les fins de semaine, malgré les règles de sécurité, il ramenait chez lui des rapports du laboratoire de Montréal. Il les passait à son contact soviétique, qui les photocopiait. Et le lundi matin, il les ramenait. Donc, une grande partie des recherches du laboratoire de Montréal a été envoyée secrètement en URSS. L'URSS voulait développer sa propre bombe. Les Britanniques avaient affirmé pendant la guerre qu'ils donneraient à l'URSS, parce que c'était quand même des alliés, toutes les nouvelles connaissances scientifiques, sauf qu'ils n'avaient rien envoyé au point de vue de l'atome. Et donc, les Soviétiques ont décidé de mettre sur pied des systèmes, des réseaux d'espionnage, puis on sait qu'il y en a eu plusieurs aussi dans le projet Manhattan. Et Montréal a donc fait partie de ce réseau d'espionnage. Ce laboratoire de Montréal, qu'est-ce qu'il devient, Gilles Sabourin, à la fin de la guerre? Donc, à la fin de la guerre, on déménage le laboratoire de Montréal à Chalk River, où il est toujours. C'est encore un grand laboratoire national du Canada. Et c'est vrai qu'il reste peu de choses, à part une plaque à l'Université de Montréal qui commémore le laboratoire qui était ici pendant 3 ans. Gilles Sabourin, ingénieur nucléaire, auteur du livre « Montréal et la bombe », récemment publié aux éditions Septentrion. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.